Selon le décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Lee Chung-yong est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Guinée.